Chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, profitez des rabais automnales. Louez le F-150 2019 à 99 $ par semaine ou encore le Ford Escape 2019 à 0% sur 72 mois. Jean Dumas Ford, 1711 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. N'hésitez pas à devenir membre de notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Ford, là où l'expérience client est inégalée. Tout le personnel et la direction de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous incite fortement à acheter localement pour préserver les emplois de chez nous. On va parler des Aigles de Roberval avec notre ami Simon Gaudreau. Salut Simon! Salut Danny! Donc Simon, si on parlait un peu des trois matchs au cours du week-end, j'en ai vu au niveau juvénile 4-2, une défaite, et contre les Lynx d'Allemagne au niveau Benjamin, j'ai vu également une défaite de 4-0. Ah ouais, dans le fond, là, pour faire un petit retour là, sur la dernière fin de semaine, vendredi dernier, nos cadets jouaient à Québec contre l'école secondaire Samuel Le Champlain. Okay. Un match là, où on a eu une très bonne opposition, beaucoup d'adversité, on perdait 2-0 après une période, et puis un petit peu d'indiscipline de l'autre côté, et puis on a su en profiter. Là, les cadets ont réussi à gagner là, dans un match 7-2. C'était leur seul match du week-end. Côté des juvéniles, en même temps que le match cadet, eux, ils jouaient contre l'école secondaire de la Camaradière. C'est un match nul là, de 2-2. Un but là, un petit peu crève-cœur de la Camaradière là, en fin de rencontre pour égaliser la marque. Et puis le dimanche, là, on affrontait une première équipe au classement là, en Saint-Georges. Très bonne équipe. Et puis on avait perdu 6-2 là, deux semaines contre eux. Puis là, ça va être fini 4-2 dans un filet désert. Donc, très bonne opposition du côté juvénile pendant le week-end. Et puis, nos Benjamins avaient un match là, à Alma. C'était le match d'ouverture des Lynx. Et puis, ça s'est soldé par une défaite de 4-0 pour les Lynx. OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Ce que j'ai vu également, c'est que vous avez présenté les trois joueurs du mois au niveau académique. Donc, on a Kelvin Lee Boivin, Vincent Muckel et Samuel Duchesne. Comment vous faites pour procéder à cette... ça va-tu avec les notes? Ça va-tu avec le travail? C'est quoi, en fait? Dans le fond, nous, en tant qu'organisation, on a trois valeurs. On a la passion, le surpassement et puis la discipline. OK. Et puis c'est sûr que c'est un programme scolaire, donc c'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer. Donc, dans chaque catégorie, on a nommé là, des étoiles du mois sur le plan académique. Là, chacun est un petit peu différent. Au niveau du Benjamin, là, les jeunes ont des objectifs là, à atteindre. Il y a des jeunes qui sont très, très forts à l'école, d'autres un petit peu plus faibles. Et puis, par rapport à le niveau académique, ils ont des objectifs à atteindre. Et puis, en Benjamin, il y en a cinq qui ont réussi leur objectif. Là. Charles Gaudreau, Charles Saint-Hilaire, Félix-Antoine. Et puis, il m'en manque deux. Là, vite comme ça, là, il y en a deux que je marque. Ils sont sur notre page Facebook. En cadet, on a Émile Bouchard et puis Étienne Ménard, là, les joueurs académiques. Et puis, les trois que tu as nommés, c'est dans la catégorie juvénile. Et puis, okay. Nous, à l'interne, à l'école, on a des conseillers pédagogiques par niveau, par catégorie. Puis eux, dans le fond, vont faire une collecte de données avec les autres professeurs. Et puis, oui, il y a des résultats, mais il y a l'ardeur au travail, il y a la discipline, il y a leur présence à leur cours aussi. Puis, je parle de présence, je parle pas juste d'être présent dans le cours, mais tu sais, au niveau participation, etc. Mmh. Donc, ce sont les joueurs qui se sont distingués là, pour le premier. OK. Donc, en fin de semaine, il se passe quoi avec les Aigles? Les Aigles, demain, les Benjamins sont en action à Alma, Alma à Chicoutimi, contre les Mustangs. Ouais. Et puis, le samedi, c'est les cadets qui sont en action à Roberval. Ça fait longtemps que les cadets n'ont pas joué à Roberval. Là, je te dirais, on a beaucoup de matchs de jouer sur la route. On affronte l'école secondaire de la Seigneurie. Ça va être terminé 1-1 à Québec, là, deux semaines. Donc, eux, c'est samedi. Puis, un programme double dimanche à Roberval, les Benjamins contre le séminaire Saint-François et le juvénile contre le séminaire Saint-François, un derrière l'autre. Ça a été bon, finalement, à Saint-Félicien l'autre jour, là, au niveau assistance? Niveau assistance, je te dirais que c'était habituel, là. Ça n'a pas paru, OK. Ouais, c'est ça. Là, le monde était là. Sûrement quelques curieux. Là, mais c'est la même chose là, à Roberval. Si on va chercher une certaine. Mais c'est dur quand même quand il n'y a pas de prix d'entrée, que c'est gratuit de dire oh oui, il y avait tant, oh oui, non, les recettes sont vraiment meilleures. C'est sûr que c'est un petit peu plus dur à ce niveau-là. OK. Ben, Simon, un gros, gros merci. On s'en reparle quelque part la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, c'est le départ des Benjamins, toute la Ligue Benjamin. Ah, OK. Les cadets D1, je vais D1 partent en challenge à Gatineau. Donc, les équipes, là, nous, les équipes vont faire relâche la semaine prochaine, sauf le Benjamin, okay, qui va être en action là, lors d'un gros, gros événement à Gatineau. Et puis, nous, on est en préparatif pour notre challenge qu'on reçoit là, le 5 décembre déjà. Là, ça s'en vient extrêmement vite. Ouais. Dans trois équipes qui s'en viennent. Donc, on travaille d'arrache-pied là-dessus. Donc, il y a plusieurs gros événements qui s'en viennent pour nous. Effectivement, 5 décembre à Robertval. Simon Godreau, un gros merci. On s'en parle. Merci d'aller. L'instructeur, pas l'instructeur, mais je veux dire le responsable du programme des Aigles de Robertval, Simon Godreau.